Les séminaires et séances de lecture des œuvres classiques du dirigeant Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un ont eu lieu dans divers pays. En Roumanie et en Suisse ont eu lieu les séminaires sur l'œuvre classique du dirigeant Kim Jong-il, Le socialisme est une science, et celle du maréchal Kim Jong-un, faisant honneur pour toujours aux grandes idées révolutionnaires du Sun-gun du camarade Kim Jong-il et à ses éminents faits en la matière, et au Mexique et Nigeria, les séances de lecture de l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, menant à un brillant achèvement l'œuvre révolutionnaire Chu-tse, en honorant le grand camarade Kim Jong-il comme secrétaire général éternel de notre parti, et de sa lettre historique envoyée aux participantes à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée, renforçant davantage le travail de l'Union des femmes sous la bannière de la transformation de la société entière selon le kimilsunisme et kimjongilisme. Y ont participé les personnalités de divers milieux et les habitants des pays hôtes.